Y'a des jours où tout va mal, des jours où j'ai pas le moral, voir personne, tout le monde m'emmerde. Y'a des jours où tout va mal, des jours où j'ai pas le moral, je voudrais voir la vie plus belle. Je voudrais partir un matin, partir par le premier train, m'enfuir pour une vie nouvelle. Mais ces jours où tout va mal, ces jours où j'ai pas le moral, je me ferais sauter la cervelle. Et j'ai beau voir, le soleil se mettre à briller, et j'ai beau voir les enfants de ma rue s'amuser, voir dans leurs yeux le bonheur de la vie, la gaieté, je veux m'en aller. Sûr qu'un jour pas comme les autres, un de ces jours qui pue la mort, je viendrai vous dire adieu. Penserai là pas tout son esprit, mais même surdosé de whisky, je vous dis ça droit dans les yeux. Peut-être la gorge serrée, peut-être une larme, vous verrez. Seulement demain, vous comprendrez. Je sais pas ce que je veux trouver, je sais même pas quoi chercher, je m'en vais triste et seul. Et j'ai beau voir, le soleil se mettra à briller, et j'ai beau voir, les enfants de ma rue s'amuser, voir dans leurs yeux le bonheur de la vie, la gaieté. Et j'ai beau voir, le soleil se mettra à briller, et j'ai beau voir, les enfants de ma rue s'amuser, voir dans leurs yeux le bonheur de la vie, la gaieté. Je veux m'en aller, je veux m'en aller.